Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la Coupe du monde de soccer en Afrique du Sud en 2010. Vamos, para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta. Les commentateurs de la télévision espagnole vivent un intense moment d'extase et sont au bord de la crise d'hystérie, on peut le dire, quand Andrés Iniesta donne à l'Espagne la victoire de la Coupe du monde de soccer disputée en Afrique du Sud en 2010. Cette finale de 2010 ne va pas passer à l'histoire. Le but d'Iniesta, marqué en prolongation à la 116e minute de jeu, est le seul but de la rencontre. Si cette Coupe du monde de soccer 2010 est passée à l'histoire, c'est plutôt parce qu'elle s'est tenue en Afrique du Sud. C'est la première fois qu'on confiait à un pays d'Afrique l'organisation de la Coupe du monde de soccer. Sur les 87 000 spectateurs qui vont assister à la finale, les plus nombreux ne sont ni les Espagnols ni les Hollandais, mais bien les Sud-Africains dont les faveurs, à part égale, vont aux deux équipes. C'est l'Espagne qui va gagner, parce qu'ils jouent très bien et très vite. Mais quel que soit le pays qui emportera le trophée à l'issue de la rencontre, tous ici sont persuadés que le véritable vainqueur de cette Coupe du Monde 2010, c'est l'Afrique du Sud. On a dit tellement de choses négatives à notre sujet, on nous a tellement dénigrés. Mais quand vous regardez l'atmosphère qui règne ici, vous ne pouvez qu'être fiers d'être africains. Fiers, ils le sont eux aussi, les militaires et les policiers sud-africains qui, depuis un mois, 24 heures sur 24, ont veillé sur la sécurité de la compétition. Vous avez été merveilleux, dit le commandant en chef de la police qu'on n'a jamais connu très modeste. Pour une fois, il peut légitimement bomber le torse. L'Afrique du Sud a fait avec éclat la démonstration qu'elle était à la hauteur de l'événement. Reportage diffusé au journal télévisé de France 2 le 11 juillet 2010, quelques heures avant la présentation du match de finale de cette Coupe du monde de soccer à Johannesburg, pour nous faire revivre cette Coupe du monde historique, disputée, je le rappelle, pour une première fois en sol africain. J'accueille mon collègue, journaliste au sport, Robert Froisy, qui était en Afrique du Sud en 2010. Robert Froisy, bonjour. Bonjour, Jacques. Qu'est-ce qui fait de cette Coupe du monde de soccer en Afrique du Sud un événement vraiment mémorable, Robert Froisy? Ben, vous l'avez dit, enfin, on l'a entendu, c'est la première fois que le continent africain accueillait sans doute l'un des plus grands événements sportifs planétaires, en même temps qui a été vu d'un mauvais œil au départ, parce que bon, ils l'avaient emporté contre le Maroc pour tenir cette Coupe du Monde. On sait que la présence de Nelson Mandela, qui soutenait la candidature, qui n'était plus président, a joué en faveur donc de l'Afrique du Sud. Mais la plupart des voix disaient... Écoutez, demandez à la Fédération internationale de football, avez-vous prévu un plan B, un plan C? Ouais. Parce que personne ne pensait véritablement que l'Afrique du Sud allait être prête à accueillir le monde. Et finalement, évidemment, ils nous ont démontré tout le contraire. Ça n'a pas été facile, parce que d'investir 4 milliards de dollars alors que un mois de compétition n'est pas forcément dans les priorités immédiates du peuple sud-africain. Mais tout de même, ils accueillaient le monde. Et c'est vrai que c'était assez unanime, malgré la pauvreté, malgré effectivement toutes les difficultés économique, c'était unanime, on allait être prêt pour accueillir le monde. Donc c'est ça qui la distingue d'abord et avant tout, le fait qu'elle se tienne en Afrique, le fait que l'Afrique du Sud relève ce défi avec tout, puis on va y revenir, avec tout ce que ça a voulu dire de fierté pour ce peuple-là, sachant d'où il venait, ce peuple-là, dans les années qui ont précédé la tenue de cette Coupe du Monde. Vous étiez là, Robert. Un petit mot quand même là-dessus, sur le plan plus personnel. Qu'est-ce qui vous revient tout de suite en tête quand vous repensez à cette Coupe du Monde 2010? Bah, écoutez, je vais vous dire, c'est surtout le pari à l'époque, en 1995, qu'avait fait Nelson Mandela. C'est-à-dire d'utiliser le sport comme un outil réunificateur d'un peuple complètement déchiré avec l'apartheid. Et ça, on va en parler un peu plus longuement dans une minute, mais c'était à l'occasion de la Coupe du monde de rugby. Absolument, de la Coupe du monde de rugby. Nelson Mandela avait vu cette idée de génie en se disant « le sport peut être réunificateur ». Et en même temps, je me disais, est-ce que en 2010, après finalement le pari réussi de Mandela, on allait pouvoir continuer? C'est surtout ça que moi, la première fois que je suis arrivé à Cape Town, c'était, je vous expliquerai ensuite pourquoi j'étais d'abord à Cape Town pour mon arrivée en Afrique du Sud et non pas à Johannesburg, mais je me disais, waouh, dès que j'ai mis les pieds, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je sentais que il y avait un peuple qui était fier d'accueillir le monde entier et qui vous demandait, la première question qu'on vous demandait, c'est vous venez d'où, de quel pays? Et c'était, moi je vous en parle, j'ai encore des frissons, parce qu'on sentait le chauffeur de taxi, que ça soit à l'hôtel, que ça soit dans la rue, c'était festif et tout le monde se disait c'est une fête et vous allez venir à notre fête, vous êtes nos invités. Et on le ressentait, je dirais, quotidiennement. Et ce souvenir de Mandela aussi, qui est dans le stade, ça doit être une des images fortes que vous avez toujours en tête. C'est sans doute un des plus beaux souvenirs journalistiques que j'ai eu, parce que c'est sa dernière apparition publique. D'ailleurs, je vais vous dire, j'étais dans le stade pour couvrir donc la finale. On savait qu'à la cérémonie d'ouverture, tout le monde attendait Nelson Mandela, mais il n'est pas venu. On le savait malade, mais il avait aussi un membre de sa famille qui était décédé dans un accident de voiture, et c'est pour ça qu'il n'était pas là la cérémonie d'ouverture. Mais tout le monde, chaque jour où il y avait un match, on attendait la présence de Nelson Mandela. Et quand il est arrivé là, sur son petit, sur sa petite voiture, j'ai vu qu'il se passait quelque chose dans le stade, parce que unanimement les gens se sont mis à chanter l'hymne national sud-africain. Et j'ai changé carrément mon reportage. J'ai fait des entrevues parce que je voyais qu'il y avait des journalistes sud-africains qui pleuraient. Et je suis redescendu donc à la salle de presse, envoyer mon reportage qui allait être donc un autre reportage, une autre vision en fait de cette finale, parce que la présence de Mandela, c'était quelque chose. C'est le 15 mai 2004 que la FIFA confie donc à l'Afrique du Sud l'organisation de cette Coupe du Monde en 2010. Ce sont ce que des dizaines de millions de Sud-Africains ont lancé lorsque Sepp Blatter a montré le contenu de l'enveloppe, South Africa en grosses lettres. À Johannesburg, sur la place Murray Fitzgerald, on s'est embrassé, on a versé des larmes. Puis une fois la clameur descendue, la musique a commencé. Jusque-là, tous les yeux étaient rivés sur l'écran géant. Il y a eu un petit moment d'angoisse au début de l'intervention des dirigeants de la FIFA lorsque ceux-ci ont parlé français. Certains y ont vu un mauvais présage. Il y a eu de l'impatience lorsque Blatter a fait durer le plaisir. Puis ce fut la joie, la folie, les embrassades et le début d'une fête qui devrait durer tout le week-end. Au-delà de la joie d'avoir été choisi parmi les quatre pays d'Afrique, l'organisation de la Coupe du Monde de football va donner un coup de fouet à l'économie. Nelson Mandela ne le cachait pas à Zurich au cours d'une interview. Il affirmait que cela permettrait de créer 150 000 emplois. 120 000, corrige un économiste sud-africain, dont la moitié seront durables. Il estime les gains à 375 millions d'euros avant l'ouverture de la Coupe et 2 milliards environ pendant les 43 jours de compétition. Les Sud-Africains ont vu dans cette victoire le couronnement de 10 ans de démocratie, mais les juges ont certainement été sensibles aussi à la présence de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud avait mis le paquet en sortant ses trois prix Nobel. Anne Dissès, Johannesburg pour Radio-Canada. Ah, qu'est-ce qui explique ce choix de la FIFA le 15 mai 2004, Robert? Pourquoi on choisit? On savait que cette Coupe-là, de 2010, cette Coupe du Monde, serait africaine. Ça, c'était décidé. Tous les pays candidats étaient donc des pays africains. Pourquoi l'Afrique du Sud? Ben, écoutez... On l'entend, la présence de Nelson Mandela d'abord. Ensuite, la volonté peut-être de dire enfin, pour Sepp Blatter, de dire « je serai le président », un petit peu comme Juan Antonio Samaranch avait dit « je serai le président qui amènera les Jeux Olympiques en Chine ». C'est un petit peu la même chose. On sait que le marché, en fait, du soccer, du football mondial, le marché africain est un marché absolument extraordinaire. C'est une pépinière. Et en même temps, de dire « on va confier cette organisation, cet événement majeur à un pays comme l'Afrique du Sud, qui était sans doute peut-être le pays le plus près, le Maroc aussi d'ailleurs. Maroc, Afrique du Sud. Il y avait Maroc, en tout cas Maroc, Afrique du Sud, mais ça s'est joué surtout entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Je pense qu'il y avait 14 voix de différence. N'oubliez pas que quand l'Allemagne a eu sa Coupe du Monde en 2006, l'Afrique du Sud a perdu d'une voix. Ouais. Donc peut-être qu'on était redevable aussi, parce que c'est toute une organisation de monter un dossier de candidature. Ça coûte des millions de dollars. Et donc l'Afrique du Sud, on se disait, il faut qu'il y ait un grand pays africain pour accueillir cette Coupe du Monde. Et je pense que l'Afrique du Sud, à cette époque-là, était sans doute... Elle avait aussi le fait qu'ils aient tenu la Coupe du Monde de rugby en 1995 a aidé, parce qu'ils avaient montré déjà qu'ils étaient capables d'accueillir un grand événement sportif planétaire. Donc c'est ce qui a joué sans doute. Et puis on entend dans le reportage qu'on vient juste d'écouter, on entend la fierté. Vous nous en avez parlé d'entrée de jeu, cette fierté des Sud-Africains d'accueillir cette Coupe du Monde-là. Donc quand l'Afrique du Sud a le feu vert, il y a cette fierté qui est présente. Puis il y a aussi, puis vous en avez aussi glissé un mot, les questionnements très très nombreux. Puis ça nous amène à parler de l'organisation de cette Coupe-là, les ratés, les doutes. Comment ça se passe? La marche vers la Coupe du Monde de 2010. Ça se passe très mal. Les Allemands, d'ailleurs, les premiers, je pense à Franz Beckenbauer, qui est une légende du soccer allemand et qui avait mené la candidature victorieuse de la Coupe du Monde donc en 2006 pour l'Allemagne, a dénoncé, a été un des premiers, d'ailleurs, curieusement, à dénoncer l'Afrique du Sud en disant « ils ne seront jamais prêts ». Et ça, c'est, on l'entend souvent de pays qui sont, je dirais, entre guillemets, émergents et qui accueillent des grands événements. Je pense à l'époque à la Grèce aussi qui accueillait, puis on avait dit ils vont accueillir les Jeux Olympiques, ils ne seront pas prêts. Il y a toujours eu une défiance en fait de l'Europe vis-à-vis d'autres continents qui pourraient accueillir des événements majeurs, comme si la Coupe du Monde devait être réservée aux Européens. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'ils l'ont vu. Et je vous dis, ils ont non seulement conspué, mais ça a été jusqu'à des dénonciations où on a accusé l'Afrique du Sud d'avoir acheté carrément et d'avoir versé des pots de vin. Bon, on s'apercevra qu'il y aura une enquête en 2006 qui prouvera qu'effectivement 10 millions de dollars avaient été versés. Mais tout de même, c'était pari réussi parce que les stades étaient pleins. Et ils n'étaient pas juste pleins d'étrangers, ils étaient pleins de Sud-Africains. Ouais. Et c'est vrai que ce coup de pouce économique... autant ça a été vrai que c'était un coup de pouce social et politique en 1995, autant je pense que cette Coupe du Monde 2010 a donné peut-être une impulsion. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des résultats? Ouais. Ça, c'est autre chose. Puis on y reviendra, bien sûr, à ce qui reste en fin d'émission de cette Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. Le coup d'envoi, il est donné le 11 juin et ça s'ouvre avec... c'est un match qui oppose l'Afrique du Sud au Mexique. Le résultat, ce sera un score nul, mais ça, c'est le début. Taylor... What do you say? It's a really good ball. It's Shabalala! Goal, Bafana, Bafana! Goal for South Africa! Goal for all Africa! Jabulela, rejoice! C'est la description du tout premier but marqué durant cette Coupe du Monde de 2010 qu'on vient d'entendre. Premier but marqué par le joueur sud-africain Tshabalala. Ce but de l'équipe de l'Afrique du Sud qu'on appelle Bafana Bafana, c'est le nom qu'on donne à cette équipe-là. C'est un peu le but du continent africain tout entier, disait le commentateur qu'on vient d'entendre à l'instant. Quel souvenir vous gardez, Robert Foisy, de ce match, de ce premier match de cette Coupe du Monde 2010? On avait l'impression que l'Afrique du Sud était en train de revivre un miracle, comme celui de 1995, où finalement ils vont remporter cette Coupe du Monde de rugby. Alors on se dit, hey, ils jouent quand même contre le Mexique, c'est pas une petite équipe, là. C'est une des meilleures équipes en fait de la CONCACAF, du continent du sud-américain, et tout de même, on se dit, on commence à se plaire, à rêver. C'est Bafana Bafana qui était, écoutez, qui était quand même dans un groupe assez difficile, entre autres avec l'équipe de France, mais là, on se dit... est-ce que un autre miracle est possible? Et déjà, avec ce match nul d'ouverture, vous auriez dû voir, le but, là, on avait l'impression qu'ils avaient déjà remporté la Coupe du Monde, quoi. Ouais, c'était, et plus ça allait, plus ce but devenait quand même un espèce de symbole. On savait très bien que les Bafana Bafana allaient pas se rendre loin dans la compétition. Ils avaient pas, je dirais, toute l'infrastructure. Mais en même temps, les gens se disaient, en 1995 non plus, notre équipe de rugby, elle était pas favorite. Donc, vous voyez, c'était quand même important, ce match nul dans le match d'ouverture. Ça fait quelques fois que vous évoquez cette fameuse Coupe du Monde de rugby de 1995. On va y revenir justement parce que ça a été très, très important. Puis il y a eu un petit clin d'œil parce qu'au lendemain du match d'ouverture en 2010, on va recréer la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 95 entre la France et l'Afrique du Sud. Puis on va parler de l'importance, revenir sur l'importance que ça avait eu à l'époque, mais pour nous replonger dans le contexte de cette Coupe du Monde de rugby 95 pour en comprendre justement l'importance. On écoute un extrait du journal télévisé français le jour même de la finale remportée par l'Afrique du Sud devant la Nouvelle-Zélande le 24 juin 1995. To the captain of the winning team, François Pinault. Un homme fort, blanc, s'avance vers un petit homme noir. L'homme fort est champion du monde. L'homme noir est président de son pays. Nelson Mandela et François Pinault ont le même maillot. Cette image est le symbole de la réconciliation. L'image aussi de la nouvelle société sud-africaine, fière du pas de géant qu'elle vient d'accomplir, grâce en partie à son sport national, le rugby. L'Afrique du Sud, sûre de sa marche en avant, vainqueur de la Nouvelle-Zélande en finale de Coupe du Monde 15 à 12. Et une victoire historique, chantée en chœur par la foule de Johannesburg, c'est beau à pleurer. Thank you. parlez-nous, Robert Frozzi, de ce match revanche entre la France et l'Afrique du Sud à la Coupe du monde de soccer 2010, mais parlez-nous aussi de cette Coupe du monde de rugby 95, parce que la demi-finale qu'on recrée, c'est un clin d'œil à 95. Absolument. On est à Cape Town et on rejoue carrément la demi-finale en même temps dans le même stade vieillot. Comme ces vieux stades qu'on peut retrouver en Europe. Et c'est drôle parce que les anciens étaient là. Les anciens de l'époque de 95 étaient là. C'est pas eux qui étaient sur le terrain, mais c'est eux qui étaient là. Et on avait l'impression qu'on était dans une cour de récréation et comme si c'était hier qu'on avait joué cette demi-finale, qui était terrible. Hein. C'était une demi-finale en 95 qui s'est jouée sous la pluie. On jouait dans la boue. Ouais. Et d'ailleurs, certains diront que eh bien, peut-être que l'équipe de France à l'époque avait gagné parce que un essai qui avait été refusé, enfin, etc. Mais on ne rentrera pas dans les détails. Ce qui était surtout important en 1995, c'est le pari que Nelson Mandela avait fait en utilisant le rugby, sport de blanc, sport national aussi, et en se disant « Est-ce que je peux bâtir mon idée de nation arc-en-ciel ?» On sortait de l'apartheid, nouveau président, noir, et en même temps, il se dit « Je vais peut-être utiliser le sport. » D'ailleurs, il y a un magnifique film qui a été fait sur ce moment-là, qui s'appelle « Invictus ». On a vécu, en plus, avec un scénario de rêve, celui d'une équipe qui n'était pas donnée favorite du tout, celle d'Afrique du Sud, ouais. Et qui va se retrouver en finale, et qui va se retrouver victorieuse même de cette finale. Et Nelson Mandela aura au moins en partie réussi son pari de sport réunificateur. Mais quel match ! Et alors, évidemment, pour l'anecdote, le match qui s'est joué pendant la Coupe du Monde 2010, les Sud-Africains ont laminé l'équipe de France, c'est vraiment le cas de le dire. Mais ça a été dans une ambiance assez folle. Et moi, j'avais faire des entrevues avec des joueurs de rugby de l'époque, de 95, et il y avait des larmes qui coulaient. Alors quand vous voyez des grands gaillards de plus de 6 pieds là, qui se mettent à pleurer parce qu'ils se remémorent ce moment magique, c'est quelque chose. Ouais. Et puis le génie de Mandela, c'était vraiment de dire on va fédérer, on va unir ce peuple-là avec cette victoire, mais d'une équipe blanche, mais que tout le monde, tous les Sud-Africains, quelle que soit la couleur de leur peau, soient fiers de cette victoire-là. C'était ça, au fond, son génie. Ils se sont appropriés, en fait, cette équipe, ouais. Qui était, vous l'avez dit, qui était aux trois quarts blanches, voilà. et le pari avait été réussi à ce moment-là. Bon, revenons à la Coupe du monde de 2010. Le 22 juin 2010, ce qui est, en principe, une triste nouvelle pour l'Afrique du Sud, je ne sais pas, prend quand même des allures de grande victoire. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Romain? Écoutez, la France est dans le groupe de l'Afrique du Sud. On sait déjà qu'elle est éliminée dans son dernier match. C'est un scandale. On y reviendra. Mais c'est que de voir dans le stade les Sud-Africains qui étaient aux trois quarts pleins, il y avait quelques Français qui étaient là, mais qui n'y croyaient plus de toute manière, puisque l'équipe était éliminée. Donc c'était un match, je dirais, sans enjeu, puisque l'Afrique du Sud aussi était éliminée. Mais la victoire 2-1 de l'Afrique du Sud, ils avaient pour eux remporté la Coupe du Monde, parce qu'ils battaient quand même une équipe de référence, qui est l'équipe de France tout de même, une équipe de France même en décrépitude pendant cette Coupe du Monde 2010. Mais ça a été, écoutez, il fallait voir à la fin du match, le stade s'est carrément soulevé et on avait l'impression que l'Afrique du Sud était victorieuse. Quoi. Et cette déconfiture de l'équipe française, ça a été un des faits saillants de cette Coupe du Monde 2010. Bienvenue dans ce journal, personne n'y croyait vraiment. La France a donc laissé passer sa dernière chance cet après-midi face à l'Afrique du Sud. Nouvelle défaite, 2-1, elle quitte le mondial la tête basse, dernière de son groupe, et une fois encore dans un climat de crise. Les images du terrain d'abord avec Christophe Duchiron. L'arbitre venait de siffler la fin du bal, et pour les Bleus c'était la fin d'un bal perdu. C'était la fin d'une pitoyable aventure, c'était la fin du carnaval des ambitions, c'était la fin d'une équipe. Les Bleus, la Coupe du Monde, combien de divisions ? C'était aussi la fin de Raymond Domenech au poste de sélectionneur. L'équipe de France va revenir avec des bagages lourds de rancœur et de rancune. C'est prématurément le retour à la maison mère, comme disait l'autre, au terminus des prétentieux. Extrait du 20h de France 2, au moment où l'équipe de France est éliminée de la Coupe du Monde par l'Afrique du Sud. Comment expliquer cette déconfiture, Robert? C'est pitoyable. Franchement, c'est même inqualifiable de la part d'une équipe qui se présente quand même dans ce qui est le Gotha de son sport. Hein. C'est la Coupe du Monde, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus fort. Et de voir une équipe qui se comporte comme si on était dans une cour de récréation ou dans une mauvaise classe, en fait, avec des élèves qui vont construire conspué le maître, c'est ce qui est arrivé. On a remis en question, en fait, l'entraîneur. Les joueurs ont fait grève, ouais, refusaient de descendre de leur autobus. Écoutez, c'était des images qui étaient à la limite, effectivement, du pitoyable, comme le disait mon confrère. Ouais. C'est pas normal qu'une équipe de cette stature, et quelle que soit une équipe, mais déjà qui se rend à ce stade ultime, qui est la phase finale de la Coupe du Monde, se comporte comme ça. C'était... Et quelles que soient les raisons, quelles que soient qui avait raison, ouais, ou pas, et l'issue, en fait, en est presque risible, quoi. C'est le 11 juillet 2010, on y revient, qu'a lieu la finale de cette Coupe du Monde 2010. Que dire de cette finale-là, Robert Frezzi? C'était horrible. C'était un des matchs les plus horribles que j'ai vus à ce stade de la compétition de ma vie, parce que ça a été, en fait, on se demandait qui allait casser la jambe ou qui allait casser un membre de l'équipe adverse. Les Pays-Bas ne jouaient pas, les Espagnols subissaient, les Espagnols ensuite, eh bien, ont commencé à répondre aux invectives des Hollandais, et c'était pitoyable comme match, franchement, ouais, sur le résultat. Et puis bon, ce but en quelques secondes, encore une fois, de la fin, aurait pu augurer d'un beau scénario de finale, quelque part. C'est la première fois qu'une équipe européenne gagnait à l'extérieur de l'Europe la Coupe du Monde. Mais en même temps, on se disait, c'était affreux. Et en même temps, certains se questionnaient même sur l'authenticité du but d'Iniesta. Est-ce qu'il était hors-jeu ou pas? Il y a encore polémique aujourd'hui, ouais, surtout pas en Espagne, mais bon, ouais, peut-être aux Pays-Bas encore. Ouais. Un tout petit mot en terminant, on l'a rapidement évoqué sur l'héritage, ce qu'a laissé comme héritage cette Coupe du Monde 2010. Écoutez, on avait parlé de la fierté, il faut être réaliste aussi, des éléphants blancs, des stades qui aujourd'hui sont recouverts carrément par la verdure dans certains endroits. Ça n'a pas été la réussite totale ou l'impulsion que Nelson Mandela, par exemple, attendait en 1995. C'est dommage, mais par contre, j'ai fait des rencontres qui étaient absolument extraordinaires, et je peux vous dire que ne serait-ce que ce souvenir de deux femmes qui m'ont appris l'authenticité du mot liberté quand je les ai rencontrés et interviewés au carnaval de Soweto, dans le township, l'un des plus grands bidonvilles de Johannesburg, et qui regardait cette vieille madame avait demandé de me raconter son histoire, et elle avait perdu son fils dans cette rue-là lors des émeutes en 1982, assassiné par la police blanche sud-africaine, et je lui ai dit mais vous êtes triste de ce souvenir, etc., vous avez perdu votre fils. Elle me dit oui, mais aujourd'hui je suis libre. Et sa sœur, qui avait 75 ans, de surenchérir en me disant « Je suis libre, nous sommes libres ». Et je pense que le mot « liberté » prenait tout son sens à ce moment-là. Mais donc c'est aussi des belles rencontres. Ben voilà, c'est ce qu'on a célébré, c'est ce que nous a rappelé, c'est ce qu'on a célébré dans cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Robert Frezzi, journaliste au sport à Radio-Canada, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Et c'est Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.